Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo et félicitent les organisateurs. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. C'était la date limite des transactions dans la NBA hier. Les Raptors de Toronto ont fait une transaction, je me doute, un peu mineure. Ils ont cédé Bruno Caraballo, qui a été leur premier choix il y a quelques années, un Brésilien, aux Kings de Sacramento. Mais c'est les Kings, c'est les Cavaliers de Cleveland qui ont volé la vedette. On en parle avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Damien. Oui, effectivement. Moi, je pense que, tu me dis, je me trompe, mais c'est vraiment les Cavaliers de Cleveland. Ça va nulle part à Cleveland. Est-ce que l'entraîneur Lou pourrait perdre son emploi? Pour un brosseur 4, non? Non? Non, je pense pas. Je pense que, tu sais, Danny, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière la scène. Ouais. Puis toi et moi, on en parle souvent. On parle pas souvent des propriétaires. On est d'accord? Des fois, on parle de Jeff Molson. Mais des fois, il y a des décisions que Bergevin, que l'entraîneur fait, que c'est pas nécessairement eux autres qui ont le mot final. Mm. Puis des fois, les propriétaires, ils connaissent leur affaire, ils le connaissent pas. Tu comprends? Ouais. Pour ce qui est des Cavaliers, c'est pas si tu viens, il y a une couple d'années, on a mis David Blatt, l'entraîneur-chef, dehors. Okay. Il était premier dans l'Est. Il avait une fiche, je pense, de 30 victoires, 11 défaites. Puis on l'a remplacé par Tyronn Lue. Ouais. Je pense que cette année, si on regarde, les Cavaliers étaient l'équipe la plus vieille de la NBA. Mm. Puis d'aller chercher Dwayne Wade, ça n'a pas nécessairement aidé. On a eu une période où il y a un bel ajustement qui s'est fait. On a décidé, ça c'est quand Derrick Rose est parti, tu t'en souviens, est parti. On a donné la barre de la position de meneur à José Calderón. Mm. Et là, on a gagné, je pense, 18 ou 19 matchs consécutifs. Okay. Et là, tout était beau. Et là, Isaiah Thomas, qui fait partie de l'échange avec Kyrie Irving l'été passé, après 7 mois de convalescence, de réhabilitation, de travail, revient au jeu. Okay. Et là, Calderón passe de meneur partant à 0 minute par match. Mm. Mais la chimie, ça, c'est pas là. Et dans les derniers matchs que j'ai vus, là, à part la victoire en prolongation là, de 140 à 138 contre les Timberwolves, on voyait une équipe pas motivée. On voyait une équipe que chaque joueur avait sa propre agenda. Mais c'est le rôle de l'entraîneur de faire ça. Non, mais oui, mais dans la sphère professionnelle, Danny, il y a des joueurs que ça lui tentait peut-être plus d'être là. Ouais. Il y a des joueurs qui étaient pas contents de la relation, le fait d'avoir Dwayne Wade qui est le body-body de LeBron James. Écoute, moi là, puis on va parler de la transaction. Ce que Kobe Altman a fait, le directeur général des Cavaliers, c'est assis avec LeBron James puis Dwayne Wade et dit, regarde, on veut aller jeune. Avec les joueurs qu'on va chercher en ce moment, tu joueras pas beaucoup, Dwayne. Mais j'ai parlé avec Pat Riley, puis on peut te renvoyer à Miami. Qu'est-ce que t'en penses? Okay. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et là, on était chercher Larry Nance Jr., on était chercher Clarkson des Lakers. Écoute, Clarkson, là, moi, je l'adore, ce gars-là. Larry Nance Jr., c'est jeune, c'est athlétique, ça va jouer à defense, ça va courir le terrain. Puis là, on a été chercher un vrai meneur que je pense qu'il va avoir une très, très bonne approche avec cette équipe-là, George Hill. Qui a déjà joué pour les Spurs, qui a joué pour Indiana. C'est un vrai meneur. C'est un passeur. C'est un bon défenseur. Bon, disons qu'il était un petit peu perdu à Sacramento, mais je pense qu'il va faire un très bon travail avec cette équipe-là. Non, moi, je pense que, honnêtement, là, Il va falloir qu'ils apprennent à jouer ensemble rapidement, mais ils vont être capables, selon moi. Okay. Et là, oublie pas que dans à peu près 4 semaines, Kevin Love revient. Okay. C'est un changement complet. Derrick Rose est parti. Isaiah Thomas est parti. Jay Crowder est parti. Channing Frye est parti. Iman Shumpert est parti. Dwayne Wade est parti. C'est 6 joueurs de l'équipe qui est parti. Là. Ouais. Fait que j'ai très, très hâte de voir. Et ça commence ce soir à Atlanta. Je sais pas qui va être disponible ou non pour les Cavaliers, là. Mais j'ai très hâte de voir. Est-ce que LeBron va partir suite à ça? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que moi, je vois LeBron. Le seul problème que je vois avec LeBron, Danny, ouais, c'est que c'était le propriétaire. Puis Dan Gilbert, il peut se faire critiquer par plein de gens, incluant moi-même. Mais si tu sais pas ce que ta star va faire, c'est fatigué un peu, là. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que lui, ouais, il a décidé de. Lui, c'était sûr qu'il échangeait pas. Ils ont un premier. Dans l'échange de Kyrie Irving, en passant, ils ont été chercher un premier choix des Nets de Brooklyn. OK. Toutes les équipes dans la NBA. C'était un excellent choix, celui-là, en plus de ça, là. Oui. Fait que là, lui, il se dit, si je perds LeBron ou non, j'ai ce premier choix-là l'année prochaine. Ouais. LeBron, moi, je te l'ai déjà dit, je pense qu'il va rester à Cleveland. Ah, oh, ouais, tu me l'as. Oui, effectivement. Oui, ils sont. À l'heure actuelle, ils repêchaient 8e. Ouais. Avec ce choix-là, qui est miendraft.net. Ben, ça vaut ce que ça vaut, là. Prétend que Wendell Carter serait le choix des Cavaliers. Juste pour par curiosité. Isaiah Thomas, est-ce qu'on peut considérer ça comme une déception? Il a été blessé pas mal. C'est quoi, période des fêtes qui est revenue? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Peut-être qu'il n'aurait pas dû revenir cette année, premièrement. Ouais. Peut-être que son retour. Ça prend beaucoup de choses pour qu'un joueur. Sa saison à Boston fitait dans l'équipe qui était à Boston. Oublie pas que l'équipe de Boston l'année passée. Ouais. Il a perdu contre Cleveland. Cette équipe-là, c'est pas la même. Là. Presque tout le monde est parti, OK? Ouais. Mais l'équipe que Brad Stevens avait, la vedette, le LeBron James, le Kyrie Irving, le Steph Curry, c'était Isaiah Thomas. Ouais. À Cleveland, il performait pas. Juste le match à Orlando, il a scoré, je pense, 10 points au premier quart, puis il est 0 en 15 le reste du match, tu sais. Mm. Puis lui, il a pas voulu nécessairement changer sa game. Là, t'as LeBron James, fait que ça fitait pas. Ça fitait juste pas, selon moi. Je pense que c'était pas un mauvais mouvement. Là, on l'envoie à Los Angeles. Est-ce qu'il va rester à Los Angeles? Parce que la pression que Isaiah Thomas a en ce moment, Danny, c'est d'aller chercher un gros contrat. Mm. Parce qu'il devient un joueur autonome. Fait que lui, il faut qu'il performe. S'il performe pas, qui va le payer? Ouais. Et c'est ça le plus gros problème. Puis l'autre chose, à Cleveland, vu qu'il était pas en forme à 100%, je trouvais que défensivement, là, c'était n'importe quoi. Il n'était pas capable de jouer à défense avec cette équipe-là. Hey, le gars qui était fini quoi? Troisième l'an passé au vote du joueur le plus utile? Ouais, mais c'est une blessure à la hanche comme ça, Danny. Là. Sa carrière, qu'il a connue comme joueur étoile, peut-être c'est fini. Là. Ouais. C'est une méchante blessure, ça. Mais ils ont payé cher pour ça. Ouais, j'ai terminé ce que tu regardes ça. Là. Kyrie Irving, là. Parce que, tu sais. Ouais, mais c'est parce que Kyrie Irving voulait partir. Ouais. Ok, là, c'est... Ouais. Kyrie Irving voulait partir, puis Dan Gilbert qui a dit à Kyrie, garde. Peux... Parce que Kyrie Irving, là, Dan Gilbert, le propriétaire des Cavaliers, n'était pas obligé de l'échanger. Mm. Il était sous contrat pendant 2 ans. Ok. Ok. Il aurait pu dire, non, tu restes ici. Les Raptors, Caraballo n'a jamais vraiment joué avec les Raptors, n'a jamais eu vraiment sa chance. Là, il s'en va avec une équipe jeune contre un joueur que je qualifie. Ouais. Peut-être un joueur de profondeur, un joueur de banc. Mais c'est pas un joueur NBA, selon moi. OK. Caraballo, tu parles? Je pense que c'est... Ouais. Masai Ujiri, qui est excellent, c'est un excellent directeur général, c'est peut-être une de ses erreurs, selon moi. OK. D'aller chercher un gars que personne connaissait, c'est peut-être un bon joueur de Ligue de développement, mais, tu sais... Tu sais ce que dans le monde du basket, Danny, ce qu'on dit, il est à 2 ans d'être à 2 ans d'être prêt. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est un joueur un projet. En termes de hockey, on appelle ça un projet. C'est plus qu'un projet. Là. Ouais, c'est plus qu'un projet. Quand Richardson, c'est un joueur de profondeur, c'est ça? Oh, on verra ce que ça. C'était pas. Je pense que c'était plus se débarrasser de Cabal. De okay. Voir ce que. Ouais, je pense que l'équipe qu'on a, on est très, très satisfait. du côté de Toronto. Tu sais, les Warriors, puis tu sais, des fois, pas bouger, c'est bouger en fonction de dire on est correct, là. Ça ressemble je pense que Toronto a exploré certains échanges, mais il n'y avait rien qui était sur la table qui les satisfaisait. Bref, ça ressemble aux transactions de Marc Bergevin. C'est à peu près ça. Allez, Pascal, mais la grosse transaction avec celle d'Isaiah Thomas est survenue la semaine dernière, on se parle pas, on se parle faux deux semaines, c'est Blake Griffin. Tu étais surpris de l'avoir celle-là, Blake Griffin, qui est un des bons joueurs de l'histoire des Clippers, et ce soir, ben, c'est déjà il retrouvait, mais c'était à Détroit. Tu étais surpris de cet échange-là, les Pistons vont très bien depuis Griffin et depuis cette transaction-là. Là. Tout le monde a été surpris. Ouais. Hein? Ça démontre, Danny, encore une fois, qu'on chiale jamais sur les propriétaires et les organisations. Mais tu sais quoi? C'est dégueulasse que ce qu'ils ont fait à Blake Griffin. Ils l'ont emmené dans l'aréna cet été. Ils ont donné un gros contrat, un max. Ils ont roulé la banque. Ils l'ont assis dans l'aréna. Ils ont fait une cérémonie avec un orchestre. Ils ont levé son chandail dans l'aréna pour dire « Tu vas finir ta carrière ici. On t'aime, on t'adore. » Puis 6 mois plus tard, on t'a échangé. Et tu sais comment qu'il l'a appris? Comment? Ça va être comment? Qui a été échangé? Sur les médias sociaux, non. En lisant sur les médias sociaux, oui. Imagine-toi. Fait que moi, là, pour moi, je m'excuse, mais c'est un gros manque de classe complète des Clippers, de l'organisation des Clippers. C'est dégueulasse la façon qu'ils ont traité. Mais je suis content pour Blake, puis je suis content pour mon ancien entraîneur, Stan Van Gundy. Depuis qu'il est arrivé, ils n'ont pas de défaite. Ils n'ont pas de défaite, ils jouent très bien. Puis je pense que ça l'amène une c'est une vraie star à Détroit. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une vraie star, selon moi, à Détroit. Puis ça, il déçoit pas du tout. Puis Andre Drummond est super content de l'avoir. On voit un nouveau. Il y a 27 rebonds l'autre fois dans un match. Là, on voit qu'Andre Drummond, il est content, il est excité. Fait que non, vraiment, là, je pense que c'est toute une acquisition pour Détroit. Là. Mais tout le monde était surpris. Tout le monde était surpris de cet échange. Personne ne l'a vu venir. C'était même pas dans les. Tu sais, des fois, t'as des rumeurs. C'était même pas dans les rumeurs. Ouais. C'était à nulle part. D'un coup, boum, c'était fait. OK. Donc. Je suis certain que les 28 autres équipes, t'as Détroit puis les Clippers qui se sont parlé, mais il n'y a personne qui pensait qu'ils étaient même disponibles. Ouais. Mais ça, j'ai hâte de voir. Écoute, Griffin, c'est-tu dans les bons joueurs de l'histoire des Clippers? Ben, moi, je dirais que oui, là. Tu sais, c'est pas. Ils n'ont jamais été loin dans les playoffs, tout ça. Fait que ça va rester dans sa. Okay. Malheureusement, mais je pense que Chris Paul a quitté Clippers pour plein de raisons. Puis, je pense que du côté des Clippers, en passant, ils vont nettoyer complètement. Là, tu me parlais de Tyronn Lue. Je pense que Doc Rivers, c'est fini. C'est sa dernière saison avec les Clippers. Là. OK. Ça a pas été ils vont changer d'entraîneur, ils vont changer de culture, ils vont tout changer. Ça n'a pas été, on peut dire, un très, très grand succès. Non, ça marche plus là-bas. Ça n'a pas été un très grand succès. OK. Donc, Pascal, aussi, Joakim Noah. Échange aussi. Donc, ça fait pas mal le tour. Le reste, c'est des transactions mineures. Pascal, si tu aurais un gagnant et un perdant dans hier, la date limite des échanges, c'est quoi? Et c'est l'équipe qui a gagné et l'équipe qui a perdu. Ben, ça va être intéressant. L'équipe qui était le plus actif, c'était Cleveland. Il ne faut pas se mentir. Ça va être très intéressant de voir ce que Isaiah Thomas va faire à Los Angeles. Pour moi, le gagnant, c'est probablement Cleveland, mais est-ce qu'ils sont vraiment gagnants? Moi, je pense que oui, parce qu'ils ont été cherchés. Ils sont gagnants à court et à long terme, selon moi. Okay. Le fait d'avoir LeBron James, ça règle le court terme, mais à long terme, si LeBron s'en va, ils ont quand même une équipe compétitive. Ouais. Fait que je pense que Cleveland a été l'équipe qui a été le plus actif. Le reste, il y a eu beaucoup de joueurs blessés en passant d'année dernièrement, donc Kristaps Porzingis. Oui, il est parti pour longtemps, lui, hein, avec les Knicks. Oui, ben, on parle de 10 mois, c'est 10 mois, là, c'est fini pour lui pendant un bon bout de temps, là. Ouais. Mais moi, je pense que si tu parles, puis il n'y a pas vraiment de perdant là, cette journée-là, parce que ça peut être une journée où les 30 équipes ont vraiment été actives partout. Là. On a vu comme Orlando qui ont échangé Alfred Payton à Phoenix. Bon, c'était pas... Tu sais, il y a des équipes, parce que faut pas t'oublier que quand t'es rendu au 7-8 février, t'as une bonne idée où tu t'en vas dans ta saison. Vas-tu faire les séries, vas-tu pas les séries, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont pas bougé, mais il n'y a pas vraiment besoin de bouger. Okay. On est d'accord avec ça. Fait que là, t'as des petites transactions, comme tu disais, des petites transactions comme Bruno Caboolo, puis Malik Richardson. Ouais, c'est pas grand-chose, tu veux dire. Mais fait que si je dirais qu'il y a un grand gagnant, Moi, personnellement, je pense que c'est Cleveland. Parce que je pense qu'ils sont dans la bonne direction. Oui, est-ce qu'ils vont être capables d'être prêts pour les séries? Mais ils sont en troisième place. Hein? Danny, avec toutes les critiques contre Cleveland, ils sont toujours en troisième place. Oui, oui, oui. Ah non, regarde, c'est parce que les Cavaliers, c'est... Les Cavaliers, écoute, mais moi, je te posais la question, Pascal, c'est parce que v'là deux ans, c'est l'année passée qu'ils ont connu, ils étaient derrière, puis qu'ils sont arrivés en série, puis ils ont pesé sur l'accélérateur. Donc, on sait jamais. Tu sais, quand t'as LeBron James dans l'équipe, tu sais jamais ce qui peut arriver. Exactement. Hein? Ouais, fait que c'est exactement ce qui peut arriver. Pascal, ça fait pas mal le tour pour les transactions dans la NBA. Écoute, moi, je trouve que c'est une belle date, le 8 février. Tu es à deux mois de la date limite des échanges, là. C'est correct. Ouais. Absolument. Ouais, je suis d'accord avec toi. Fait que c'est ça. Pascal, gros merci. On se reparle dans deux semaines. Puis si personne t'emploie, ben moi, je vais t'employer à gros salaire pour à toutes les semaines à partir des séries éliminatoires. Ça va me faire plaisir, Danny. Tu sais qu'on a, j'adore parler du basket, puis t'es un des personnes qui est le plus intéressé, puis je pense que t'es hey, spectateur, t'es fan de ça. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, je vais vous donner un bon site internet que j'ai trouvé, parce que je t'en ai parlé en dehors des ondes, c'est Basketball Insider. M'a dit une affaire, là. C'est probablement le meilleur site internet, tu sais, je vois sur ESPN, mais Pascal, je t'invite fortement à le regarder, tu vois, c'est super bon. Il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des analyses, il y a des pour le repêchage également, il y a le mock draft, c'est vraiment... Est-ce que c'est meilleur que Bleacher Report? Pardon? Est-ce que c'est meilleur que Bleacher Report? Je sais pas, Bleacher Report, je connais pas. Je connais BR, c'est une application de Bleacher Report. Ok. Mais Pascal, merci beaucoup, on s'en reparle. Fait plaisir, à bientôt.